Hello everybody, c'est Will et ça y est, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle édition de votre émission à base de punk, de metal et de rock, playlist éclectique et album à l'honneur en fin d'émission, chroniqué et détaillé, tout ça pour votre plus grand plaisir. Bien sûr, c'est dans le punk metal rock. Et voilà, sur ces belles et douces et tendres paroles, on attaque une nouvelle édition du PMR qui, j'espère, va vous plaire grandement ce soir. Le PMR, bien entendu, qu'on a ouvert avec Ultra Vomit. Leur dernier album sera donc à l'honneur, comme vous avez pu l'entendre. Et c'est Panzer Surprise pour le nom de l'album. On a ouvert avec deux pistes qui s'enchaînent plutôt très bien d'ailleurs dans toute cette playlist, Super Sex et Hypersex, donc voilà, deux pistes qu'on retrouve un petit peu vers le milieu de l'album, fort sympathique. Donc voilà, Will aux commandes à la programmation et à tout ce qu'il faut pour vous ce soir, accompagné d'un bon petit verre de whisky, la clope au bec, et c'est parti. On va continuer tout de suite avec d'autres choses, va y avoir quasiment, et même non, va y avoir que de la nouveauté ce soir, que des albums sortis en 2017, sauf pour un, et sinon que de la nouveauté à découvrir. Donc tout ça, on va s'en faire part là sans plus tarder avec d'ailleurs le dernier album d'Alostorm. Alostorm, groupe qui tape un petit peu plus dans le, comment dire, dans le heavy, un petit peu spécial, un petit peu pirate, qui nous vient d'Angleterre, et leur dernier album No Grave But The Sea. Et on va s'écouter une piste quand même assez barrée également, qui s'appelle donc Fuck With An Anchor, pour vous dans le punk metal rock. Fuck you, You're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all. Fuck you, you're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all. Go! For 30 odd years, I have lived with this curse. My vocabulary was stunted at birth by a witch doctor from over the seas, casting a strange voodoo magic on me. Now when I speak, it's rather absurd, an endless tirade of four-letter words. I lash out in anger at all in my way, shocking, unspeakable things that I say. Fuck you, you're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all. Fuck you, you're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all. Et ouais, Fucked With An Anchor du groupe Alastorm, tiré donc de leur dernier album, hein, comme je vous le disais, No Grave But The Sea. Une piste quand même qui montre assez aussi le niveau du groupe, dira-t-on, même si c'est quand même radicalement différent de ce que peuvent nous sortir, oh là là, je m'embrouille un petit peu, Ultra Vomit, avec leur album Panzer Surprise, hein, qui est à l'honneur ce soir. Voilà, je vous le rappelle, pour les nouveaux venus, hein, l'émission vient de commencer, là, il n'y a pas de temps, vous êtes bien à l'écoute du Punk Metal Rock, édition avec beaucoup de nouveautés à découvrir ce soir, aussi bien des nouveautés dans les albums qui viennent plus ou moins de sortir, que des groupes à vous faire découvrir dans des styles quand même plutôt particuliers. Il y en aura deux, hein, de groupes comme ça ce soir. Le reste, ça va être des groupes quand même qu'on connaît plus ou moins, avec surtout des nouveautés. Comme là, cette fois-ci, deux pistes sur lesquelles on va partir. Deux pistes du groupe Smash It Combo. Vous l'avez entendu, pour ceux qui ont suivi l'émission durant la période d'Eurodiff, j'avais choisi à un moment volontairement de rediffuser justement l'émission où je chroniquais leur ancien album, Playmore. Et tout ça pour vous annoncer qu'ils ont sorti du coup un nouvel album, l'album Lit. Donc aussi bien en version française qu'en version anglaise, qu'une version de luxe qui regroupe les deux albums. Pour ma part, j'ai la version de luxe à la maison, vu que c'est un groupe que j'apprécie quand même pas mal, et on va s'en faire découvrir, on va s'en faire péter deux petites pistes, de quoi se mettre un petit peu en bouche l'album qui vous sera bientôt diffusé, je pense, à l'honneur, même s'il y en aura quand même pas mal des albums qui le méritent. Donc on verra tout ça, pour le moment je n'en dis pas plus. On part sur une session découverte de ce nouvel album de Smash It Combo, avec pour la version française Point de Non-Retour et la version anglaise Rise and Fall. Avec petite précision, la version anglaise, le chant, à part le chant un petit peu plus screaming, je dirais, a été, donc tout le chant rappé a été réalisé par le rappeur américain Non-Like Joshua. Donc voilà, quand même un bon petit point, un truc différent. C'est lui également qui a écrit les paroles de la version anglaise et tout ça, on y reviendra plus tard dans une autre émission. En attendant, je vous laisse vous faire plaisir à écouter, monter le son, et je vous invite toujours, hein, comme vous le savez, si vous le souhaitez, à venir lâcher vos dédicaces www.punkmetalrock.com. Et on attaque tout de suite avec Point de Non-Retour, hein, tiré de la version française de Lit, Smash It Combo, pour vous dans le PMR. J'ai tant de noirceur dans le regard que je fais même peine à voir. Laisse la bouteille sur la table que je me réserve à boire. Les yeux vitreux, la gorge sèche. Regarde les jours qui passent. Je préfère me noyer dans la tisse plutôt que de boire la tasse. Comment vous dire à quel point je vous déteste? Je voudrais changer de planète. En attendant, je tourne en roue en faisant des quarts de cercle. J'ai plus la force de faire la file pour te rentrer dans les rangs. Si tu me regardes et que tout va bien, c'est sûrement que je fais semblant. Nos objectifs sont différents, passé un certain âge. Hors de question que je m'assagisse, qu'on m'enferme dans une cage. Si tu crois que j'atteins mes limites, il me reste quelques terras. J'arrive même plus à en voir le bout comme les jeux Bethesda. Personne, personne n'est pareil. J'atteins le point de rupture. J'ai voulu inverser la tendance, mais ça marche pas. Toujours dans le même style, toujours aussi bon et puissance, Made Shit Combo, c'était Rise and Fall avec None Like Joshua au chant, donc pour cette version anglaise du CD, et sinon toujours la fine équipe pour la version française qu'on a entendu précédemment avec Point de Non-Retour. Ces deux pistes, on peut les retrouver, comme je vous le disais, donc sur l'album Lit, aussi bien donc les versions possibles à avoir, hein, la version deluxe qui comprend donc les deux CD, anglais, français, ou sinon juste la version anglaise et juste la version française. Allez, petit break après ce petit coup, on va rester en France, on va se refaire plaisir, on va repartir avec deux pistes d'Ultra Vomit, deux pistes comme toujours avec ce groupe assez courte, hein, je vous le cache pas, ce soir il y aura quand même beaucoup de pistes, hein, il y en a 15 au total, donc entre Ultra Vomit et le reste, 15 pistes différentes. Ça en fait quand même pas mal, c'est normal, Ultra Vomit nous propose des pistes plutôt généralement courtes, mais toujours bien déjantées, comme on va pouvoir retrouver tout de suite avec Pink Pantera, suivi de La Chenille, pour vous dans ce Punk Metal Rock. C'est parti, montez le son. We'll be right back. Voilà, voilà. Will de retour après ces deux pistes que vous avez pu entendre de Ultra Vomit. Je ne les avais pas annoncées, mais je pense que vous en aurez reconnu en moins une des deux. Déjà, dans le style, la première qu'on a pu entendre, c'était Pink Pantera. Donc, dans le style de Pantera, sur un texte un peu plus branché sur la panthère rose. Voilà, un mélange qui coïncide plutôt bien ensemble. En tout cas, c'est ce que le groupe nous prouve. La deuxième, peut-être un petit peu plus dure, mais vous avez peut-être bien reconnu le style de la chanson. Et oui, désormais, dans vos petites soirées animées, vous pourrez passer celle-là. C'était La Chenille. Donc, La Chenille qui redémarre, version Ultra Vomit. Ça passe quand même très bien. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait hein, dans mes prochaines soirées animées. Je peux vous dire que je passerai celle-là au grand dam de mes invités. Allez, on va continuer. On va rester du coup toujours en France avec ce groupe. Et dernier album pour les nouveautés des albums dont je vous avais parlé. Acroma, voilà, je vous en avais parlé là, il y a peu de temps. Un nouvel album qui est sorti, l'album c'est Apocalypse Requiem. Toujours au top du top, niveau composition, là-dessus, il n'y a rien à dire, ils font grandement plaisir. Groupe de black symphonique français qu'on va écouter tout de suite. Une piste de cet album, Lux Aeterna, du groupe Acroma pour vous dans le PMR. Et je vous invite toujours à venir lâcher, si vous le souhaitez, vos dédicaces www.punkmetalrock.com. We'll be right back. toujours aussi puissant, toujours autant sculpté. C'était Akroma avec Loxa et Therma, tiré de leur dernier album Apocalypse Requiem. Encore une fois, tout simplement, l'équivalent peut-être dans le style. Après, c'est vrai que ça dépend toujours des goûts, c'est subjectif. J'arrive pas vraiment à trouver le terme exact, mais pour dire en quelque sorte, une sorte de chef-d'œuvre vraiment extrêmement bien travaillé. Peaufiné vraiment comme il faut, dessus il n'y a rien à dire. On aime le style ou on n'aime pas, c'est une chose, mais on ne peut pas dénigrer le boulot derrière et le talent dont ils font preuve. Donc Akroma avec Apocalypse Requiem, un album qu'on retrouvera prochainement dans le PMR aussi. Allez, fini cette petite session de nouveaux albums, on va partir sur des nouveaux groupes à découvrir désormais. J'ai mis la main dessus tout récemment, ça nous vient de Grèce. On en discutait avec un pote comme ça pour rigoler et on se disait tiens, est-ce que ce style existe? Et puis après coup on s'est fait tiens, est-ce que celui-là aussi ça existe? En fait oui, c'est vrai qu'au final tout existe. Après tout existe, est-ce qu'on peut les trouver? Et ben là on a trouvé les deux. Et on va s'en écouter déjà un tout de suite. C'est un groupe qui s'appelle Kemerov. Il nous vient, enfin plutôt Kemerov, je ne sais pas trop comment le prononcer. Ils nous viennent de Grèce. Ils ont sorti cet album FMKD, dont on va écouter la piste Spaces. C'est un groupe de Death and Wall, mélange de Rock and Roll et de Death Metal. Pour vous, dans le Punk Metal Rock, session découverte avec Kemerov. Et je vous invite à me dire dans les dédicaces, hein, www.punkmetalrock.com ou par la page Facebook ou autre, comme vous le souhaitez, si vous appréciez le groupe et tout ce qu'il faut, bien entendu. Si c'est le cas, je vous en rediffuserai dans ces cas-là prochainement. Pour sûr, c'est même du rock légèrement quand même métal sur les bords. Mais je vous rassure, hein, j'ai quand même écouté cet album FMKD pardon, du groupe Kemerob. Et je peux vous dire qu'on y retrouve des bons trucs bien rock'n'roll avec une vraie voix d'ass toujours derrière qui ne change pas. Donc venant d'eux, franchement, très sympa, beau boulot, chapeau les artistes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des mecs qui sont encore aventurés dans des nouveaux styles, comme ça, encore et toujours. Et en parlant de ça, à l'origine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parti d'une discussion avec un collègue, et cette discussion, elle a même commencé exactement par ça. On écoutait un petit peu du djent, un style qui fait djentique, dira-t-on, et on s'est dit, tiens, par rapport à ça, est-ce que tu penses que du Black Djent, ça se fait, sinon on pourrait peut-être s'en faire un petit morceau. Et du coup, on a cherché en vitesse, et oui, il s'est avéré que, bah oui, hein, ça se fait, bien entendu. Et là, le groupe que je vous sors, c'est pas n'importe qui, entre grosses guillemets, c'est Ovid's Returning. Vous les connaissez peut-être pas, il y a même peu de chances que vous les connaissiez, en tout cas, j'espère pour moi vous les faire découvrir. Si je dis, voilà, que c'est quand même un petit groupe en particulier, ils ont sorti déjà 4 albums, enfin si je ne m'abuse, 2 albums et un EP, peut-être un peu plus, dont également un album, tout entièrement dans ce style, mais en version 8 bits. Voilà, un truc assez moderne qui se fait de plus en plus, que je trouve très marrant et très sympathique à écouter, peut-être pas sur l'album complet, mais en tout cas, quelques pistes, c'est vraiment très cool. Et ben eux, ils l'ont fait dans le style Black Djent en 8 bits. Ils l'ont fait. Je vous en diffuserai pas une piste ce soir. Je vais vous laisser découvrir déjà une piste vraiment Black Djentique correctement avec l'album Squares of the Abyss, dont je n'ai pas l'année de sortie. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver ça dans les sources. Je vais essayer de m'y pencher un petit peu plus après l'émission pour vous trouver ça. Et on va s'écouter la piste Exile de Ovid's Returning pour vous dans ce punk metal rock. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant ces deux styles, hein, le Death and Roll qui était quand même un petit peu plus juste Death Metal que Death and Roll. Et enfin, le coup de Black Djent, Ovid's Referring avec Exile pour vous dans le punk metal rock. www.punkmetalrock.com, je vous le rappelle, pour les dédicaces. tongue flickering between surplus skin. A most unbiblical cult, wrought by the grace of the serpent. Obits Refrain avec l'album Screers of the Ibers, sorti donc en 2014. Voilà, groupe de Black Giant des USA qu'on vient d'entendre avec la piste Exile. C'est donc cet album, je vous en faisais part tout à l'heure. Ils ont, je vous disais, voilà, un groupe de Black Giant, déjà ça c'est pas courant, qui en plus de ça a sorti un de ses albums en version 8 bits. C'est cet album, hein, Screers of the Ibers, qui est sorti donc en version 8 bits. Aussi, donc quand même plutôt fort sympathique, et j'espère que toutes ces découvertes vous ont bien plu, car le temps a beaucoup avancé entre temps, encore une fois, voilà, déjà presque 50 minutes d'émission, 50 minutes que je suis à vos côtés, et j'espère que ça vous sied toujours. On va attaquer tout de suite l'album de la semaine, qui n'est autre que Ultra Vomit. On revient en France avec un nouvel album de ce groupe, Panzer Surprise, deuxième album d'ailleurs du groupe, seulement le deuxième, pourtant ils sont quand même assez connu, en tout cas, c'est remarquable, j'ai envie de dire tout simplement. Voilà, ils n'ont pas changé la patte, hein, toujours leur délire, tout simplement. Avec cette fois-ci, un truc quand même extraordinaire dans cet album que je vous recommande à écouter en entier, c'est que vous voulez faire découvrir le métal à quelqu'un, vous lui faites écouter cet album. Car dans les riffs, il y a des riffs d'un petit peu tous les grands groupes qu'on pourra retrouver dans un petit peu tous les grands styles. Également, le tout adapté à la sauce Ultra Vomit, et franchement, ça fait grandement plaisir. On va retrouver du Rammstein, du Tagada Jones, également du Maximum de Hormone, et ça, franchement, c'est tout simplement fou. Si je vous dis ces trois-là, c'est tout simplement car c'est les trois pistes d'ouverture, après la piste d'intro Entombed, qui est donc une piste en hommage un petit peu aux Looney Tunes, qui rappelle donc toute cette jeunesse farfelue d'il y a quelques années, qui ouvre donc l'album. Ensuite on part donc sur Kamtar, piste un petit peu dans le style Rammstein, comme ça peut vous le faire comprendre. Ensuite Un Chien Géant, petit rapport avec Tagada Jones et pas que, et ensuite Takoyaki, bien inspiré dans le style Maximum des Hormon. Je vous fais pas tout l'album, mais vous avez déjà pu le remarquer avec les pistes de tout à l'heure. C'est ça durant la totalité de l'album, justement, avec vraiment de la découverte sur tous les divers styles et variés qu'il nous faut. C'est juste impressionnant, franchement les gars, respect, chapeau bas. C'est au top. Et tout ça, allez, on n'en parle plus, on part tout de suite à se l'écouter. Je vous invite à lâcher vos dédicaces si vous le souhaitez sur cet album d'Ultra Vomit, Panzer Surprise, pour vous dans le Punk Metal Rock à l'honneur. www.punkmetalrock.com, je vous rappelle, c'est l'adresse du site, également la page Facebook. Et on part donc avec Entombed, Kamtar, Un Chien Géant et Takoyaki pour vous dans ce PMR. We'll be right back. revolver. Il a deux vœux garde-boue. J'ai passé la première. Je vais rouler comme un fou. Osaka est une petite ville du sud du Japon située sur l'île de Honshu. Réputée comme le fleuron gastronomique de la nation, on peut notamment y déguster des mets insolites tels que les okonomiyaki ou bien les succulents takoyaki. Takoyaki, takoyaki, Osaka no takoyaki ga tabenai. Takoyaki, takoyaki, Osaka no takoyaki. Pieuvre grillée est une spécialité d'Osaka se présentant sous forme de petites boules de pâte cuite contenant des morceaux de poulpe. Takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki chapitre de... Takoyaki, takoyaki, taco, taco, takoyaki de Ultra Vomit. Voilà, petite piste qui faisait penser justement, comme je vous le disais, hein, à Maximum Lurman, précédé de Un Chien Géant et Kamtahar, et enfin Entune de la piste d'ouverture. J'espère que cette émission qui touche à sa fin vous aura plu. Elle aura donc eu Ultra Vomit et Panzer Surprise à l'honneur. Un album que je vous recommande comme à écouter pour vous prendre aussi bien une bonne tranche de rigolade qu'une bonne dose de culture métal dans les oreilles. L'émission a été ouverte avec Super Sex suivi d'Hyper Sex. On a également eu pour Ultra Vomit Pink Pantera et La Chenille. Voilà, comme je vous le disais, musique que je vous recommande pour vos soirées endiablées bien entendu. Et à côté de tout ça, on a été accompagné d'Allostorm avec Fucked With An Anchor de leur dernier album No Grave But The Sea, Smash It Combo avec leur nouvel album Lit, et la piste Point de Non-Retour pour la version française et Rise and Fall pour la version anglaise, et également Acroma avec Lux Aeterna de l'album Apocalypse Requiem. Côté découverte de groupe, tout simplement, ce soir, c'était Kemerov avec FMKD et la piste Species, groupe de Death and Wall grec, et enfin Ovid's Referring avec l'album Squires of the Ibis, la piste Exile pour ce groupe de Black Gent américain. Voilà, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous le rappelle, podcast playlist, c'est disponible sur le site de l'émission www.punkmetalrock.com. Vous pouvez également y laisser vos dédicaces, me retrouver sur la page Facebook Punk Metal Rock. Je vous invite à partager, comme vous le savez aussi, l'émission si elle vous a plu, à vos proches, à votre entourage, tout ce qu'il faut pour qu'on soit encore plus nombreux, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et également, si vous êtes un groupe que vous voulez être diffusé, n'hésitez pas à me contacter. Allez, pendant cette petite minute restante, on va terminer avec Évier Metal, une piste, la piste qui conclut l'album, tout simplement, qui a été mis également en ouverture, un petit peu en promo, entre guillemets, enfin, personnellement, c'est une des premières que j'avais vues de cet album, Évier Metal de Ultra Vomit, qui va conclure. Je vous conseille d'aller l'écouter en entière, elle a une petite particularité sur la fin assez comique. Allez, moi je vous dis donc à la semaine prochaine, même lieu, même heure pour une nouvelle édition. See you soon, portez-vous bien, stay tuned and stay metal. Fais couler l'eau, l'évacuation, évacue l'eau, se brosser les dents, faire sa toilette, visser les dents, avec sa kéké.